chier. À faire du lit, mélancolique. Je pourrais vraiment faire aveu dès maintenant. Yeah. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now. Wish right now. Ouais. Je pourrais faire un rêve ou un projet ou un souhait. Pour revenir à un endroit plus simple que celui-ci. Belle croix. Car après toutes les fêtes et les fracas et les chutes. Car après le CFI et l'appartement. Et tout l'auto-UVU et toute la folie. Viens un temps, tu estompes l'obscurité. Et tu fixes ton téléphone sur les genoux. Où tu espères, mais ces gens ne te rappellent pas. Non. Mais c'est juste comme ça que l'histoire se déroule. Tu prends une autre main peu après avoir quitté l'affiche. Et quand tes plans se résolvent, ils disent que tu espères avoir une autre chance. Donc avion. Désolé, je suis en retard. Je suis sur mon chemin, alors ne ferme pas ses portes. Si je ne le fais pas, je changerai de vol. J'y reviendrai à la fin de la nuit, car je suis mélancolique. Un coup je ris, un coup je pleure. Mélancolique. Ok, ok. Wish one now, yeah. Watch time a ramené au jour avant que ça soit un travail, avant d'être payé, avant que mon compte en banque ait de l'importance. Ouais, retour quand j'ai tenté de prendre le mic. Ouais, retour quand j'ai rappé dans ces allées. Ouais, retour quand je prenais comme un galérien le TC. Ouais, il y a des jours on l'aura pour rester mélancolique. Je suppose que l'on peut faire des vœux hors des avions. Yeah. Et peut-être que je reviendrai au jour avant que la tristesse qu'on appelle le jeu rappé. Et retour quand personne n'écoutait mes sons. Et retour quand j'essaie de cacher ma tristesse. Mais c'est pour le boulevard City, quoi de neuf pour tous mes potes. Puis-je faire un peu pour la fin de la tristesse et retourner à la musique qui a commencé à ne pas oucher dans la merde. Merde. Alors je me tiens là et je le redis. J'espère qu'on peut faire des vœux hors des avions. Ok, ok. Yeah. Pour tout le boulevard City, pour tous mes potos d'enfance, pour tous mes potos, pour tous ceux qui me suivent et qui me respectent, pour toute ma famille, pour Amandine. Yeah, dédicace spéciale pour le boulevard City. Boulevard City, c'est ça. Pour les avions dans la nuit sont comme des étoiles filantes. Je pourrais vraiment faire un vœu dès maintenant. C'est ça. C'est ça.